Après certaines soirées tranquilles, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette, et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux, parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude, ou le désir de les voir se renouveler, ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais, à d'autres moments, sa douleur le reprenait. Il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville. Alors, Swann la détestait. « Mais aussi, je suis trop bête, se disait-il. Je paie avec mon argent le plaisir des autres. Elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout. »